pensez que les héroïnes en comics, ça ne résume que à des boobs, et vous pensez que le métier de livreur, eh ben, c'est que pour les mecs, montez le son de votre radio, et vous êtes bien sur Radio Campus Montpellier sur le 102.2, et c'est Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux et chatoyant du comics. Alors cette semaine, nous sommes encore que trois, je suis avec Mathieu. Salut. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous, salut, salut. Et je suis avec Tom, avec Tom. On saura jamais. Ce monsieur a trop de prénoms, Tom, Gilles. Salut James, salut Mathieu. Est-ce que ça va ? Bien, un souffle court, hein, un peu ric-rac, mais on est là, on est là. Pour les gens qui ne savent pas, Mathieu vient à peine d'arriver. Oui, vient à peine d'arriver. J'ai encore le blouson. J'ai dû courir un peu. Voilà, c'est pas grave. Mais on est prêt et on va partir pour les news. Et c'est parti pour les news. Ce générique est génial. Alors, je vais commencer les news avec une première news et on va faire une petite pensée à Maxime qui n'est pas là aujourd'hui. Moi, je suis pas d'accord parce que la semaine dernière, vous avez pas voulu faire une minute de silence pour moi, donc on ne parle pas de Maxime. Alors, on ne parle pas de Maxime. Alors, c'est juste. Hein, c'est mais juste. On pensera à lui parce qu'en fait, j'ai intitulé ma news Speedy est mort, vive Speedy. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais Marvel a annoncé que la série Ultimate Spider-Man, la série animée qui passe actuellement, je crois qu'elle est sur Disney XD et je crois qu'elle est aussi sur France 4. France 4, ouais. Elle est actuellement en sa quatrième saison et elle se terminera en janvier 2017. Mais si vous avez peur d'être en manque de Speedy, sachez qu'une nouvelle série va arriver. Et une série qui s'intitulera Marvel's Spider-Man. Et en fait, ce sera plus entouré du personnage de Tom Holland dans le MCU, donc dans les films Marvel. Et en fait, on se concentrera sur la jeunesse de ce personnage dans l'univers des films et tout ça. Donc, il y aura une série sur ça. Est-ce que ça vous a hype un peu ? Non, parce que moi j'aime bien Ultimate Spider-Man déjà et je comprends pas pourquoi ils veulent arrêter. Moi je trouve ça trop, on dirait trop Deadpool parce qu'il y a trop d'humour dans cette série. Ouais. Bah, moi j'aime bien. Toi t'aimes bien ? Ouais. Mathieu ? Moi je suis pas trop animation donc ça m'hype pas plus. Par contre, ce qui me hype c'est le fait qu'il y ait une série télé qui soit liée au Marvel Cinematic Universe, c'est-à-dire au film. Parce que les autres séries Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D. qui est plus ou moins liée, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu. Ils sont quand même un petit peu séparés, il n'y a plus des masses d'interactions. Ouais, il y a quelques corrélations quand même. Ouais, et même dans Ultimate Spider-Man, on voyait plein de personnages du film en fait. On voit Nick Fury, on voit. Oui, mais après, c'est pas pour ça que c'est relié au film. C'est les personnages qui reviennent. J'ai oui. cru comprendre qu'ils avaient passé un coup de gueule, les acteurs d'Agent of S.H.I.E.L.D. il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y avait eu Bisbee. Alors, par contre, c'était purement administratif entre la branche cinéma et la branche télé. Du coup, le fait qu'ils fassent vraiment une série totalement liée au MCU, au cinéma, ouais, c'est intéressant, ça ouvre la porte à d'autres. J'espère qu'ils vont pas. Que le fait de ne pas suivre la série va pas nous larguer pour les films. Ah, pour... mais non, mais ça, ils ont l'habitude avec ça. Ouais, mais enfin, pour Agents of S.H.I.E.L.D., il y a eu quelques trucs quand même qui étaient expliqués dans Agents of S.H.I.E.L.D. Et qui... ils font ça sur Star Wars, je sais pas. Moi, je regarde pas Agents of S.H.I.E.L.D. et j'ai compris tout le reste, donc. Ouais, mais dans le deuxième Avengers, quand ils arrivent au début, la grosse baston du. Ouais, mais tu te poses pas la question, tu t'emboules. Ah, tu te demandes comment ils sont là. Ah ouais. Et c'est expliqué dans Agents of S.H.I.E.L.D. C'est pas grave. Enfin, on va passer à une autre news. Alors, je ne sais pas si vous le savez, le week-end dernier, c'était la New York Comic Con. Est-ce que quelqu'un veut nous raconter qu'est-ce qu'une Comic Con ? Mathieu, peut-être ? Comic Con, oui, bah, c'est le diminutif de Comics Convention. Donc, c'est une convention sur les comics, en fait. Il y en a quelques dizaines à travers le monde. Bien entendu, les plus importantes sont aux États-Unis. Donc, la New York, qui est très axée comics. Voilà, contrairement. Et la San Diego, qui est très axée cinéma, série, tout ça. Voilà, donc en général, pour les comics, The Place to Be, c'est plutôt New York. Et effectivement, les grosses annonces ciné, série, télé et tout, c'est plutôt la San Diego. Et donc, ça s'est passé le week-end dernier à New York, et du coup, on a eu plein de news autour de des comics. je sais pas où je vais. Et la première qui m'a retenu, alors c'est qu'il allait voir une nouvelle série sur Miss America. Donc Miss America, c'est un personnage qui était dans les Young Avengers, qui était dans Ultimate aussi, et qui va enfin avoir sa série à elle en 2017. Et je trouve ça assez cool. Est-ce que ça vous... Miss America, non ? J'avais pas lu, mais bon, à la limite, un perso America fille, ouais, c'est toujours intéressant. De toute façon, Marvel, ils ont l'air d'être assez avant-gardistes. Ils sont très axés jeunes en ce moment. Même diversité, sexe, race et tout. Enfin, ils ont l'air vraiment d'agrandir leur panel ça, c'est cool. En dehors des persos assez classiques. C'est plutôt bien, donc pourquoi pas, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Gilles ? Tu t'en fous. Ah, moi, je m'en fous complètement. D'accord. Et comme tu t'en fous complètement, on va passer à une news à toi. C'est dur. Moi, ça n'a aucun rapport avec la Comic-Con, par contre. Bah si, ça a été annoncé pendant la Comic-Con. C'était dans mon récap des news Comic-Con, c'était en premier. Ah bon ? Oui. Enfin, c'était en deuxième. Faut dire qu'on n'y était pas à la Comic Con, hein. En fait, on n'a pas été invité, on a demandé. Howard, oui, Howard. Ah, d'accord, pardon. Je ne savais pas que c'était avant la Comic Con, pardon. Il n'y a pas de problème. Donc, tout le monde connaît Deadpool. Oui. Je pense. Un peu moins connaissent Howard the Duck. Bah, il était dans le film, oui, la Galaxie. Tu vois le personnage, mais tu ne sais pas qui c'est, oui, forcément. Forcément, oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est avant tout un magnifique film de George Lucas. Oui, ne le voyez pas. C'est le film qui a fait couler. Ouais. Historiquement, il est très important. Il a coulé le début de l'Empire Lucas. Mmh. Il avait mis énormément d'argent là-dessus. Ça avait fait un four total. Et ouais. Dedans, vous voyez un canard avec des nichons qui se branle. Ouais. Donc voilà, si vous et voulez pourtant, voir. Ça n'a pas marché, je comprends. Ouais, ouais. Et il est apparu 5 minutes en post-générique des Gardiens de la Galaxie. Et voilà, et c'était quoi ta côte. C'est quoi ta bah, justement, en parlant de Deadpool et de Howard the Duck, bah, en janvier, il va y avoir une mini-série qui va démarrer. Et ça va, on va avoir l'esprit de Deadpool fusionné avec le corps de Howard the Duck, justement. Et donc ça va être le mercenaire avec un bec. C'est ça, ça a l'air complètement décalé. Et moi, ça me hype. Ça te hype ? Ouais, moi, ça me hype. Alors, ils avaient fait Gwenpool avant, donc ils prenaient Gwen Stacy et ils mettaient Deadpool dedans. Ouais, mais Gwen, ouais, on s'en fout un peu de Gwen. Alors qu'Howard, quand même, Deadpool dans le corps d'un canard. Ouais, je vois pas en quoi ça y prend. Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? C'est, alors, pour le coup, caution gardien du temple, Howard the Duck, ça fait partie des personnages qui sont déjà pas très très connus, mais qui sont cultes pour pas mal de personnes. C'est peut-être mais moins connu en France. C'est censé être, c'est un truc super trash normalement, non? Oui, oui, c'est un décalage. C'est-à-dire qu'effectivement, le personnage, c'est Donald trash, en fait, tout simplement. Il y a peut-être du foutage de gueule Disney derrière. Maintenant qu'ils ont plus, ils ont plus de problèmes de droit avec Disney. Voilà, ils peuvent se lâcher un peu. Donc c'est Donald qui fume, qui rote, qui pète, qui va voir des filles. Enfin, c'est très très trashy. C'est genre Fritz the Cat qui rencontre de ce que le peu que j'ai lu, oui, donc effectivement avec Deadpool ça ouais, peut être mélangé à Deadpool, ça peut être fun. En plus c'est une mini-série, c'est pas quelque chose en plus il va y avoir une série Howard, je crois qu'elle est en cours en ce moment, Howard the Canard. L'histoire est rigolote parce que la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie, c'était un délire total. Oui, ils ont craqué complet. Ils ont mis un perso que personne ne connaît. Et Marvel, c'est quand même les derniers des cons. Et ils ont sorti un comics peu de temps après. Et puis effectivement, la hype continue sur le perso. Et pour la petite anecdote, c'est Seth Green donc, qui faisait Oz dans Buffy qui doublait Howard le Canard dans Gardiens de la Galaxie. C'est pire, scène post-générique, elle sert absolument à rien. Ouais, elle sert à rien. Mais elle est marrante, elle est cool. Oui, elle est rigolote. Oui. Elle sert à rien, mais elle est marrante. Alors que la scène post-générique d'Iron Man 3 sert à rien et elle sert à rien. On va passer à une autre news. Et cette fois, on va passer chez l'éditeur, le meilleur éditeur du monde. Marvel. C'est DC Comics. Oh, pardon. Et oui, mais j'en ai sauté une, bon, c'est pas grave. Donc c'est Captain Kirk qui apparemment aurait deux faces, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une série qui s'appelle Batman 66. Non, qui est Captain Kirk d'abord? Ah, qui est Captain Kirk? Bah, c'est William Shatner. Enfin, c'est. Oui. Ça dépend. Captain Kirk, voilà, c'est le héros de Star Trek. Et dans la première série, il était joué par William Shatner. Et en fait, il va y avoir en ce moment un film qui va sortir dans pas longtemps qui s'appelle Batman Return of the Capped Crusader, qui est un film d'animation qui se passe dans l'univers de Batman, la série télé, mais la série télé des années 60. Et en fait, à la New York Comic Con, on a annoncé qu'il y aurait une suite à cet animé. Et William Shatner jouerait le rôle de Two-Face, donc double face, le méchant emblématique de Batman. Et en plus de ça, on nous a annoncé qu'il y aurait une série, mais cette fois pas une série en comics, où le Batman des années 60, donc Batman 66, rencontrerait Wonder Woman des années 60. La série avec je sais plus comment elle s'appelle, Linda Carter. Ouais, voilà. Ouais, donc voilà, si vous aimez c'est très vintage tout ça. Ils ont un petit côté vintage. Leur comics Batman 66, c'est bête, mais ça sort depuis quelques temps maintenant et ça sent public. Tu le lis toi? Non. Moi non plus. Et la série, ça vous... Enfin, le film d'anime, même le... sans parler du... Je sais pas, je l'ai pas vu, il est pas sorti. Ouais, encore. Mais je veux dire, ça vous... Tu vas le voir? Non, pas du tout. Ouais. Moi, je suis quand même curieux de savoir ce qu'ils vont faire, parce que la série télé de base, elle est... Enfin, aujourd'hui, elle est irregardable, mais c'est ultra vintage, c'est vraiment... C'est culte pour... Avec les morts requins ou je sais pas quoi. Là. Oui, ouais, il y a plein de... les fameuses scènes grimper sur un mur, alors que tout le monde voyait qu'ils étaient à l'horizontale. Enfin, du coup, c'était parfaitement ridicule. La grosse bombe, là. Du coup, je sais pas, je suis curieux, mais je sais... Il y a peut-être des machins dans le passé, faut peut-être les laisser. Bon, ouais, on va passer à une autre news un peu plus hypante peut-être. Allez. Et c'est toi, oui, qui dois parler d'un fameux créateur qui va bientôt avoir son biopic et qui n'est pas Stan Lee. Ah ouais, bah c'est pas un biopic que va avoir Stan Lee, c'est une comédie d'espionnage. Une comédie d'espionnage sur Stan Lee, vas-y. Là, il va y avoir un biopic sur le docteur William Martson, qui est, je pense que tout le monde le sait. Oui, bah oui, tout le monde le sait. C'est un psychologiste d'Harvard à la base qui a créé le personnage de Wonder Woman. Et c'est également lui qui a créé le détecteur de mensonges actuel. Oui. Du coup, c'est... Et il était un peu connu pour avoir des relations bizarres. Ouais. Enfin, il avait deux femmes, en fait. Donc c'est pour ça qu'ils vont faire un biopic sur lui, parce que enfin, le fait qu'il ait créé Wonder Woman, tout le monde s'en fout, mais le fait qu'il aimait ça... Oui, il a des relations, voilà. Il était très féministe, voilà. il a beaucoup bossé pour le film. Donc normalement, c'est Luke Evans qui va tenir le rôle titre. Ouais. Donc Luke Evans que vous avez pu voir dans Dracula, le dernier Dracula qui a sorti, ouais. Dans la saga Fast and Furious. Hobbit, dans le Hobbit. Voilà. Il était dans Fast and Furious. Ouais. Ah ouais. Il fait... Ouais. Dans le 6. Et dans le 7, mais sur un lit d'hôpital. Ok. Voilà. Et il y a également Rebecca Hall qu'on a pu voir dans Iron Man 3 et Bella Heathcote qui est dans un film Pride and Prejudice and Zombies. Ouais. Qui peut sortir encore avec Natalie Portman normalement. Ouais. Mais ici, enfin, il est sorti sur Internet. Ok. Ouais. En DVD. Chez tout mon libraire. Voilà. Ok. Et ben, on va passer à une autre news. Et c'est moi. C'est toi qui dois la faire. Oui, non, on va vous parler de John Ridley, qui n'est pas scénariste de comics, enfin pas tout à fait, qui est scénariste de cinéma, qui avait eu l'Oscar pour le scénario de 12 ans d'esclavage, qui était passé un peu par les comics il y a quelques temps avec The American Way, et qui revient sur American Way, qui va faire une suite qui sortira l'année prochaine, l'été 2017, pour 6 numéros. Et donc c'est un comics qui suit les aventures de Jason Fisher, qui est un super-héros dans un monde où les vigilants ne sont pas vraiment bien vus, n'ont pas bonne réputation, car ils sont considérés comme étant des instruments du pouvoir et de la police. Et du coup, c'est toujours très intéressant d'avoir un scénariste comme ça oscarisé qui revient, qui passe par les comics aussi. Bon, on en a parlé la semaine dernière avec Brian Kevogan. On va en parler aujourd'hui encore. Et on en parle encore aujourd'hui tout à l'heure. Donc, curiosité à voir, d'autant plus que je crois que ça sort dans le label Vertigo chez DC. Ouais, ça sort chez DC. Il est en perte Vertigo. De vitesse depuis quelques temps, donc c'est un bon renfort pour la ligne. C'est une plutôt bonne nouvelle. En plus, c'est un bon scénariste, puisque 12 ans d'esclavage, c'était quand même. Oui, c'était bien. Alors, j'avoue que j'ai pas lu le premier run d'American Way, mais pour le coup, là ça hype pas mal, quoi. Ouais, moi aussi ça me donne bien envie. Et c'est toi qui continue, avec une autre news. Alors ils ont annoncé, donc chez DC Comics aussi, ils ont annoncé la relance de l'univers Wildstorm. Alors Wildstorm, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi avec Paper Girls, c'est un label de super-héros qui avait commencé chez Image Comics au début des années 90. Oui. Début des années 90, il y a eu un événement très important dans la sphère comics, il y a pas mal de grandes stars de chez Marvel qui sont partis. En train de spoiler toute la partie de... Ah, donc, de... C'est pas grave. Mais je viens d'arriver, je suis arrivé en cours. C'est un très bon travail. Voilà, donc bon, en gros, ouais, bon, bah, on en parlera tout à l'heure effectivement. Donc il y a eu une branche, c'est un label connu. Un label. Il y a pas mal de parutions en France en plus, moi j'en ai lu beaucoup. Ah ouais? Et c'est bon, c'était un peu disparate, mais donc ça a fusionné avec DC Comics pour l'occasion des New 52 en 2011. Donc la plupart de tous ces personnages, tous ces super-héros, c'est Jim Lee qui a créé voilà, Jim Lee qui avait bossé sur l'X-Men, dont la série phare était les Wildcats à l'époque. Et c'est moi qui ai suivi un peu, du coup ça a pas donné grand chose dans l'univers DC Comics. Il y a eu un peu de Grifter, un peu d'Apollo. Ouais, on a vu Grifter, il était dans Flashpoint, non? Oui, ouais. Voilà, mais c'était vraiment, enfin, on se demandait pourquoi est-ce qu'ils avaient absorbé ces personnages. Ouais, c'était les super-héros de troisième zone, quoi, enfin même pas. Bah oui, en fait, il y avait une utilité, mais bon, faut reconnaître que quand vous voyez les super-héros, il y a quand même doublons par ailleurs. Donc là, ouais. Midnighter et Apollo, c'est quand même Batman et Superman, mis à part qu'ils sont gays. Mais Midnighter, il est dans Grayson. Ouais, c'est les deux seuls, je crois, qu'on voit un petit peu. Et donc tout ce côté-là est tombé un peu en désuétude, et ça va être relancé courant 2017 par Warren Ellis, qui est un espèce qui de pas taré, n'importe qui. Voilà, qui est un vétéran des comics, souvent glauque, souvent sombre. D'ailleurs, je crois qu'il sort une anthologie Stormwatch en VF ce mois-ci par Warren Ellis, qu'il faut lire parce que c'est assez cool. Stormwatch, c'est l'Avenger géré par l'ONU, sauf que Willis et Warren Ellis, ils ont fait des tarés psychopathes à la solde du gouvernement et que ça part en saucisse, mais direct. Il y a Planetary aussi qui était sorti. Planetary aussi dans le même genre. Planetary, c'était aussi dans le label Wildstorm. Warren Ellis, c'est du dark super-héros en général, c'est assez glauque. Ouais, Planetary, c'est dans Wildstorm. Et du coup, il nous relance ça. Pour l'instant, pas beaucoup de titres annoncés. The Wildstorm, Michael Cray qui est un petit peu le câble, le gros baroudeur violent, Wildcats qui est un petit peu l'X-Men, et Zilot qui est une assassine millénaire ultra bourrine, ultra badass. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que Warren Ellis va scénariser la première série et John Davis Hunt au dessin, on n'en sait pas plus. Ça sera une série complètement séparée de l'univers DC Comics, oui. Donc pour un peu qui donne les rênes à Warren Ellis pour qu'il fasse n'importe quoi, il y a vraiment moyen de se fendre la gueule. Ah, moi ça me hype un peu, ça a l'air super cool. Ça peut être cool, ouais. Et on va finir avec une dernière news. Et c'est toujours DC, et DC qui rend hommage à un très très grand de l'histoire du comics. Donc je ne sais pas si vous savez qui est Jack Kirby. Jack Kirby, c'est un peu le mec talentueux chez dans le duo Stan Lee-Jack Kirby. C'est lui qui a inventé Captain America. Il a fait les 4 Fantastiques. C'est un mec très très créatif et très très cool. C'est surtout un dessinateur. Mais il a pas bossé que chez Marvel, puisqu'il a aussi bossé chez DC, où notamment il avait créé les New Gods, le Dark Side. Il s'en sert régulièrement chez DC de tout ce côté-là. Ouais. Le côté cosmique en fait de chez DC. Et il a aussi créé une série qui s'appelait Kamandi, le dernier homme sur Terre, je crois. Et en fait, c'était une série post-apo. Et pour les 100 ans du King, donc The King qui se faisait appeler Monsieur Kirby, qui est mort en 84, je crois. Il est mort en 94. Et en fait, pour les 100 ans de Jack Kirby, DC a décidé de lancer une série en 12 numéros qui s'appellerait le Kamandi Challenge. Et en fait, à chaque numéro, ils vont changer d'équipe. Et il y a vraiment des gros noms de l'histoire du comics dans ces équipes, notamment Dan Abnett qui était qui a créé les Gardiens de la Galaxie. Il était avec, je crois que c'est... Il y avait Andy Lanning. Et Dan Abnett, je crois. Oui, Dan Abnett. En fait, c'est l'équipe juste créative d'avant qui a amorcé le procédure, mais c'est lui qui a vraiment fait les Gardiens. Il y avait Kes Giffen qui a plus ou moins créé le concept. Mais... Donc, Peter J. Tomasi qui était sur le relaunch de Batman et Robin, qui est la meilleure série du relaunch des New 52. Ivan Rice qui était aussi sur Justice League avant. Kevin Eastman, qui n'est pas n'importe qui puisque c'est le créateur des Tortues Ninja. Greg Pak et Gail Simmons, donc vraiment, ouais. Vraiment une série qui moi me donne très très envie, du post-apo avec des animaux anthropomorphes, je crois. Tous les noms que tu m'as dit, ça me dit rien, ça me donne envie l'histoire. Et c'est que des noms qu'il faut. Même Kevin, oui, je sais, c'est des noms importants dans le domaine du comics, mais même Kevin Eastman, ça dit rien du tout. Non, c'est dommage. Jack Kirby quand même. Hein, Jack Kirby, ça dit quelque chose. Quand même. Stan Lee aussi. Hein. Stan Lee, c'est bon. Mais plus grâce au cinéma qu'à ce qu'il a fait, hein, Stan Lee. Tu as retenu les importants, alors. Ben voilà, je crois que c'était tout pour cette petite news. Et on va passer à la pause musicale. Et c'est une pause musicale spécialement dédiée à ma chérie Faye qui m'a demandé que je passe ce titre. Ah, ceci explique cela, alors. Oui, ceci explique cela. Parce que le titre ne fait pas unanimité autour de la table. Ah, qui n'aime pas ce titre avant Le titre, j'ai rien contre, c'est le film qui représente. Oui, moi non plus, le film, j'aime pas trop. Ah, bon, si tout le monde s'en fout. Alors, on va vous donner juste le titre. Bon, c'est Seal, donc le chanteur américain, et Kiss From The Rose. Et on vous laisse le temps du titre pour savoir de quel film il s'était. Allez, Seal, Kiss From The Rose. When it snows, my eyes become large, and the light that you shine can't be seen. Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. So much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? Did you know that when it snows, my eyes become a light, and the light that you shine can't be seen? Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. so much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large, and the light that you shine can't be seen. Alors c'était Seal, Kiss from a Rose, et pour les gens qui aiment Community, la série Community dont je fais partie, il y avait une super scène avec cette chanson aussi. Qui est tirée de quoi? Qui est tirée de, est-ce que tu le sais, le film, Mathieu? Oui. Oui, mais je ne peux pas le prononcer. D'accord. Vas-y, Gilles, pas. À toi. Batman Forever. Voilà, il était dans Batman Forever. Le film est nul, la musique est encore plus nulle. Oui. Il y avait U2 aussi, non? Oui, il y avait U2 aussi dedans. Je ne cautionne pas cette pause musicale. Tu ne cautionnes pas la pause musicale? Non. Moi, je l'aime bien, cette chanson. Elle est marrante. Voilà. Vraiment une démocratie ici, niveau ouais, musique. Ouais, c'est moi qui choisis. Et les autres, ils ferment leur gueule. Voilà, c'est comme ça. Oh, quelle vulgarité. Exactement. Et on va passer à la review. Et la review, on va vous parler cette semaine de Paper Girl. Donc, Paper Girl qui Gilles nous a préparé le contexte. Vas-y, fais un petit contexte. Alors, comme tu as dit, aujourd'hui, on va parler de Paper Girl. Ou pour nos amis canadiens qui nous écoutent, les filles en papier. Wow. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Les filles en papier. Les filles en papier. Je suis tellement content d'être ici. Alors, un titre qui vient tout juste de sortir et que nous retrouvons chez Image Comics. Et vous allez me dire, mais c'est quoi Image Comics? Qu'est-ce que c'est Image Comics? Ah oui, c'est quoi Image? Je connais DC, je connais Marvel, mais qu'est-ce que c'est Image? Et je vais vous répondre, ne soyez pas si hâtifs, je vais vous répondre. C'est tellement bien fait, voilà. C'est pour ça qu'on m'a coupé la parole tout à l'heure, c'est ça? Voilà, exactement. Alors, si je vous dis The Crow, Spawn, Wanted, Choisis ton destin, les Tortues Ninja, G.I. Joe ou encore Walking Dead, mis à part être des chefs-d'œuvre du 7ème art. Je ne sais, ouais, non. Ah oui, tous. Ouais. Ah bah tous. Si, The Crow, c'est pas mal, le premier. The Crow, c'était Image. Ah, Wanted, c'était cool aussi. Mais enfin, en fait, je crois qu'il a mis des titres qui ont été rachetés par Image, mais qui sont pas sortis vraiment chez. T'inquiète. Genre G.I. Joe, c'était pas vraiment chez Image, c'était chez Edmund. Enfin, bon. Et bah, avant d'être des chefs-d'œuvre du 7ème art, comme j'ai dit, ce sont des comics. Et oui. Des comics de Image Comics. C'est fou, hein. Ouais, c'est transition. C'est tellement bien. Tout se tient, ça y est. Alors, c'est le 4ème plus gros éditeur de comics après Marvel et DC, bien sûr, et Dark Horse. Ouais. Ou Cheval Noir pour nos amis canadiens. Alors c'est une société assez récente par rapport aux autres qui a 25 ans. C'est que 25 ans. Ouais, c'est 92 93. Donc j'ai arrondi à 25 ans. Oui. Donc, oui. Ouais, enfin bref. Donc à la base c'est d'anciens dessinateurs de Marvel qui en avaient un peu marre de tout le merchandising qu'on faisait autour de leurs personnages. Sans que eux en contrepartie ils avaient de l'argent, quoi, une rétribution de leur En fait, pour la petite anecdote, apparemment ils sont tous allés voir, parce qu'ils sont 7 ou 8, je sais ouais, plus, c'est ça, 7. Et ils sont allés voir Marvel et le rédacteur de chez Marvel, et il leur a dit, enfin il demandait d'avoir un peu plus de sous sur le copyright, et il leur a dit mais je tape dans un arbre, il y en a 10 comme vous qui tombez, donc je vais aller vous faire foutre, quoi. Il parlait à Todd McFarlane, à Jimmy, ouais, à Rick Carson, voilà. À Rob Liefeld, à... donc des grands noms des années 80, 10. Oui, Jimmy niveau... est éditeur maintenant chez DC Comics, ouais. Todd McFarlane c'est le créateur de Spawn, donc il a pas trop de soucis de manière générale. Enfin oui, là, pour le coup l'éditeur chez Marvel il a pas été bon. Et Rob Liefeld il continue d'écran d'ancrer dans Rob sa voiture. Liefeld, on comprend pas ce qu'il voilà, lui on s'en fout. Du coup en gros ils ont voulu faire valoir leurs droits de créateur. Et non. Ils ont pas eu. Du coup ils se sont barrés. Et ils ont créé leur propre société qui avait du coup un principe différent des autres maisons. C'était laisser aux créateurs les droits exclusifs de leurs personnages. Donc le créateur owned. C'est-à-dire que le personnage appartient à son créateur et non plus à l'éditeur. Comme c'était chez le cas, chez la concurrence, comme Marvel ou DC. Je crois qu'ils prennent du copyright que sur le premier, et après ouais, le reste ça. C'est sûr. Mmh. Après on va pas rentrer dans les détails. Oui, plus, hein. C'était juste des histoires. Ouais. Sur la question juridique et pas là. Ouais. Donc en gros. Maxime, voilà. On pense à toi, même si on n'a pas le droit de parler de toi. Pardon. Vas-y, continue. Donc parmi les fondateurs, comme vous avez dit, il y a Jim Lee qui a travaillé sur X-Men. Et que maintenant ouais. Il a bossé sur Justice League, il fait un. Ouais, McFarlane sur Spider-Man ou quelque chose. Il a créé Spawn. Enfin voilà, on va pas citer les 7 hein, parce que ça va pas vous dire grand chose non plus. Surtout à toi. Surtout à moi, ouais. Mais du coup, c'était des dessinateurs et pas des scénaristes. Donc quand leurs premières œuvres sont sorties, c'était joli, ok, les dessins c'était cool, mais ça a été très critiqué pour le scénario qui était pas terrible. Et c'était pas non plus des commerciales. Donc ils se sont retrouvés avec beaucoup de commandes qu'ils n'ont pas su gérer. Ouais. Et donc ils ont fait appel à une tierce personne pour s'occuper du côté commercial. Donc pareil, je vais vous dire le nom, mais ça va rien vous dire, c'est ouais. Larry Marder. Ça me dirait mon nom plus. On s'en fout un peu, mais c'était ouais. histoire de dire le nom, quoi. Donc aujourd'hui, ils sortent peut-être des titres à une fréquence moins importante que DC ou Marvel, mais c'est des titres qui sont mieux reçus par le public qu'avant. Ouais, mais ils ont changé la saga, ils font beaucoup. Ouais, voilà, mais ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'effectivement à l'origine il y avait beaucoup de super-héros et effectivement pour en avoir lu, faut reconnaître que c'était magnifique, mais c'était pas terrible. C'était très inspiré de ce que faisait Marvel et DC. Il y avait un Batman, il y avait un Superman, il y avait un Serval. Enfin, c'était pas extraordinaire. C'est devenu beaucoup mieux. Il y a une espèce de deuxième vague avec des vrais scénaristes, notamment Warren Ellis qui est venu, après c'est parti sur notamment The Authority, qui a été quand même un bon pavé dans la mare. Il y a eu Mark Millar derrière, qui est pas n'importe qui en scénariste. Et là, pour le coup, ces derniers temps, je spoil encore. Non, vas-y, c'est formidable. Donc, ces derniers temps, pour le coup, il y a très peu de super-héros. Ils sont vraiment partis sur ce qu'on pourrait appeler l'indé. Donc, effectivement, Paper Girl, on va en parler. Saga, on a parlé de Descender. Descender, il y a Black Science. C'est beaucoup plus. Il y a une niche qui était avant occupée. C'est beaucoup plus mature, en fait. C'est vraiment mature. C'est plus comics pour adultes que. Voilà, ouais, c'est pas. Justement, ils ont été critiqués au début pour la trop grande violence de leur récit et le trop d'érotisme, si je peux dire. Oui, bah oui. Ah, Authority, c'est une équipe, ouais, ils baisaient, ils tuaient, ouais. Ils avaient pris le contrôle de la Terre. Enfin, c'était même tous les trucs de. Merde, comment ça s'appelle, Witchblade, tout ça. Ouais, c'était vachement très. Witchblade, c'était héros, ouais, c'est vrai, ouais. Darkness était ultra violent aussi, enfin ils avaient pris le parti pris dark. Ouais. Du coup, ça n'a pas plu à tout le monde au début. Bon, après, ça s'est un peu tassé et ils ont commencé à faire des ventes, mais. Est-ce que tu peux nous parler des auteurs maintenant de. Bah attends, j'ai pas fini. Vas-y. Et le temps tourne, mon petit. Donc, vas-y. Donc, maintenant qu'Image Comics est un éditeur qui a du répondant face aux Big Two que sont Marvel et DC, ouais. Ils attirent de plus en plus de noms connus. Et c'est le cas ici avec Brian Vaughan et Cliff Chang. Est-ce que je prononce bien Vaughan ? C'est K. Vaughan, Brian K. Vaughan. Oui, faut bien dire le K. Pardon. Ouais. Donc, Brian K. Vaughan, ouais, voilà. Et Cliff Chang. Donc le premier, qui est le scénariste, il s'est fait connaître avec Hughes, le dernier homme. Y The Last Man, ouais. Ouais, Y The Last Man. Ah, tu fais français... Ouais, français-anglais. Ouais. Puis ouais, je mélange les deux. La dernière homme. Donc il est sorti chez un label DC qui est Vertigo. Donc suite à ce succès, il est recruté par Marvel et travaille sur la série Mystique. Donc Mystique, la changeante des X-Men. Et sur Runaway, qui sera arrêté malgré un succès critique, mais... Ah oui, il y a tout le monde qui en parle, ouais. C'est très bon, Runaway. J'ai lu ça limite contraint et forcé, ouais. Parce que Vaughan... Il y a eu des très bonnes critiques, mais pas de vente. Oui, coup, ouais, ça n'a pas reçu son public. Pourtant, ouais. En termes de super-héros, c'est super intéressant. Et après, il est plus connu pour son travail hors comics. Ouais, bah. Attends. Ah, bah, à chaque fois, je l'ai trouvé. En parallèle, il a lancé sa série Ex Machina, qui raconte l'histoire d'un ex-super-héros qui devient maire de New York. Et il a travaillé aussi sur Ultimate Spider-Man. Et pour revenir à ce que disait James, il a également fait un passage par la case série TV en étant scénariste de Lost, ouais. Très grande série, et producteur et showrunner de Under the Dome. Ouais, un peu moins bien série. Mmh. Ouais, mais il touche à tout, c'est pas mal. Ouais. Mmh. Et quant au second, donc le Cliff Chang, le dessinateur qui a vécu un peu moins, il a été rédacteur en chef quand même de DC. Ah ouais, ouais. Et maintenant il est illustrateur, il a été notamment sur Green Arrow, Black Canary, et il a surtout été sur le relaunch de New 52 de Wonder Woman. Qui est vachement bien. Mmh. Azzarello, c'est ça, au scénario. Ouais, c'est ça. Mmh. Et donc pour Paper Girl, qui est aussi un très grand succès critique, ils ont reçu deux prix. Le prix Eisner de la meilleure nouvelle et le prix Harvey de la meilleure nouvelle aussi. Pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est le Eisner Award, donc Eisner, c'est un des grands noms aussi, un peu comme Kirby, qui a créé The Spirit, qui est un grand, c'est un détective très connu dans l'histoire du comics. Un très bon film avec Samuel L. Jackson. Non, aussi. Pas du tout, un très mauvais film. Frank Miller. Ouais, de Frank Miller, ça fait très très peur. Donc Eisner, donc, qui était un grand nom, ils ont créé un prix à son nom, et c'est un peu l'Oscar. Enfin, plus le Sundance même, hein, parce que c'est très indé. Ouais, voilà, c'est très indé par rapport à. C'est pas très mainstream, moi. C'est indé. Harvey, c'est plus mainstream comme ah tu ouais dis. Ah ouais, okay. Harvey, c'est bon, plus grand public. Ouais. Bah, j'apprends des trucs. Et merci pour ce contexte, c'était très bien. Et on va passer à la partie graphique, Mathieu, c'est toi qui l'as préparé. Oui, on peut dire ça. C'est un bien grand mot préparé. Préparé dans le tramway en avenant, ça compte. Oui, ça compte. Donc, oui, Cliff Chiang, comme vous a dit Tom Gill, donc effectivement, oui, qui était bossé d'abord chez, plutôt éditeur et qui a commencé à dessiner au début des années 2000. Alors au début, il faisait, voilà, je vais pas vous dire ce qu'a dit Gilles, il a fait deux trois covers, deux trois petits arcs à droite à gauche. Il a fait fill-in aussi. Alors fill-in, c'est un terme technique pour dire que lorsque vous avez un dessinateur qui sur une série régulière, qui prend une pause. Voilà, il prend une pause parce qu'au bout d'un moment, ça fatigue le poignet. Parce que tout le monde n'est pas Greg Capullo. Greg Capullo, voilà, on sait très bien qu'on est Greg Capullo, caution fan. Pardon. Et du coup, effectivement, donc première grosse série Wonder Woman en 2011. Et il a bossé un tout petit peu avec Vaughan au tout début de sa carrière. Et ils ont voulu se retrouver à un moment donné. C'est une histoire assez classique, souvent, voilà, d'un scénariste et d'un artiste qui se croisent pour un petit truc et puis qui essaient de rebosser après plus tard. Ensemble, parce qu'ils ça s'est fait que maintenant, c'est-à-dire il y a quasiment 10 ans après. Et il a un style, moi je dirais simple et efficace, c'est-à-dire que c'est pas énormément de détails, ouais. c'est pas du Juan Rip ou du Geoff Darrow où les pages font mal aux yeux tellement c'est micro de détails dans tous les sens. C'est assez dynamique, il joue beaucoup sur la dynamique, sur l'alternance des cases. En général, sur une page vous avez 4 ou 5 cases, parfois qui s'entremêlent un petit peu. C'est pas artificiel en fait, il arrive bien à avoir un petit côté. Ouais, le découpage est voilà, le découpage est assez organique, enfin voilà, c'est pas votre page coupée en 6. Et du coup, donc encore une fois, c'est super dynamique. En plus, il alterne vachement, je trouve, les différents angles, les gros plans, des plans moyens, des plans larges. Et c'est très agréable à lire, je trouve. C'est vraiment. Ça passe tout seul, c'est smooth. C'est limite, son style est difficile à définir parce que c'est pas qu'il en a pas, bien sûr, mais c'est que ça glisse tout seul. C'est vraiment, c'est pas quelque chose. Il y a un petit côté franco-belge. Oui, ouais, c'est ouais, ça en fait. Je trouve que ces dessins sont super et je trouve que la mise en couleur aussi est super. Ouais, la colo est géniale. Là pour la colo, c'est Matt Wilson. Matt Wilson, ouais. Voilà. Bon, lui, c'est un vétéran, il a bossé sur beaucoup de choses. Et là pour le coup, alors James en parlera à mon avis après quand on parlera plus du scénario. Ça se passe à une certaine période de la journée, très tôt le matin. Et la colo, il y a beaucoup de travail sur la colo. C'est que des pastels, c'est que des bleus nuit, des rouges clairs, des machins comme ça. Et pour le coup, ça, je trouve que ça apporte un gros plus à l'unité temporelle. Les deux ensemble là, c'est. Et effectivement, comme disait James, si c'est pas un dessinateur mainstream, c'est-à-dire qu'il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des gros boops. Ouais, c'est ouais. Pas, voilà, encore une fois, c'est pas du Jim Lee. C'est effectivement un style un peu plus franco-belge et qui cadre bien avec le style de la série, qui n'est pas comics super-héros. Après, je trouve qu'il a fait aussi un bon travail sur l'unité de temps, mais voilà, plus temporelle, c'est-à-dire que ça se passe dans les années 80, fin des années 80. C'est 88. 88, voilà. Et pour le coup, on voit qu'il s'amuse avec les posters, avec les références, avec deux, trois trucs. Enfin, il a fait un travail assez intéressant aussi sur le. Bon, j'en ai parlé un peu hors émission, et on me l'a comparé à Stranger Things, et je trouve qu'il y a une bonne comparaison par rapport à ça. C'est curieux, cette espèce de. J'ai commencé Stranger Things hier. Ouais. Enfin, je trouve que c'est toujours le. Ah pardon, je t'ai coupé. Ouais, non, c'est juste pour dire qu'il y a une espèce de revival des années 80-90. Ouais. C'est ça, je trouve que ça fait beaucoup penser enfin vraiment, c'est la banlieue typique américaine, de retour vers le futur. Oui, c'est vrai. Il y a une énorme référence à Arkanoid, qui est un très vieux jeu de casse-briques. Mais pareil, il y a un jeu qui s'appelait Paperboy. Oui, Paperboy. J'avais sur Game Boy, pour ceux qui ont plus de 30 ou 40 ans, parce que Game Boy n'existe plus. Et du coup, alors, c'est pas un style qui est très percutant, c'est pas du comics qui va vous laisser sur le cul. C'est très indé en fait. C'est assez indé, mais. Ça va dans la même optique que des autres titres de Image en fait. Oui, et puis pour le coup, vu que Vaughan a une narration assez fluide aussi, ça sert vachement, ça se lit vite, je l'ai vraiment très vite lu. Moi aussi. Pourtant, il y a énormément de choses dedans, James en parlera à mon avis, ça part très loin très vite, mais c'est un style qui colle bien. Voilà, ça manque peut-être un petit peu de percussion, de puissance. Moi, ce que je trouvais cool, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de décor au final. Enfin, il y a beaucoup d'aplats. Ouais, c'est pas de... vide, ça suffit. Ouais, mais je trouve que il va dans les trucs où il a besoin d'être détaillé, notamment on en parlera par la machine par exemple. Oui, la machine elle est. Il y a vraiment des petites trouvailles graphiques qui sont vraiment cool. Ouais, ça cadre bien. Mais Vaughan, moi j'ai vraiment accroché au côté graphique. Vaughan, j'ai lu pas mal de trucs de lui. J'ai l'impression que le mec il sait très bien s'encadrer de dessinateurs qui vont bien. Flea Staple sur Saga, c'est nickel. C'était Tony Harris, je crois, sur Ex Machina aussi. C'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus comique. C'est vu que c'est un truc de super-héros, pour le coup ça colle. Ouais, mieux. Ça va plus dans le. C'est vraiment le. Il écrit vraiment pour son dessinateur en fait. C'est peut-être ça. Il a des projets dans un coin et puis lorsqu'il se sent bien, c'est à ce moment-là que ça sort. Et ça se voit. Et en podcast, j'avais parlé de Rumble aussi dans le même genre, entre James Arcudi, John Arcudi et James Harren. Les deux, ils vont super bien ensemble. Ouais, c'est un beau duo. Et donc là, c'était un peu ça. Ouais. Donc c'est pas excessivement percutant, c'est pas très puissant, mais dans la narration, et vu qu'il se passe beaucoup de choses, c'est vraiment un support, c'est très agréable à lire. T'as un petit avis sur le Gilles, sur le côté graphique? Non, ça va. Bah, ça t'a plu? Moi, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ok. Et ben, on va passer au scénario. On va essayer de pitcher. Mais vraiment, je pense qu'il faut pas trop spoiler l'histoire. Ça va être difficile. Tu lis juste le résumé, ça suffit. Hein. Y a pas, ça spoil pas. Ça... Bon, bah, je vais vous pitcher l'histoire et puis après, on en parlera. Alors, le lendemain de la célèbre fête d'Halloween, la petite ville de Stony Stream en Ohio se réveille. Et c'est du moins le cas pour Mac, KJ, Tiffany et Erin, quatre jeunes livreuses de journaux. La routine des tournées matinales est enclenchée jusqu'au moment où leur itinéraire croise un groupe d'étranges individus en plus cachonné. En fait, j'ai repris le pitch de Burban, mais il est pas super bien écrit, je trouve. Enfin bon, surtout qu'il y avait un pitch qui était beaucoup mieux, qui spoilait moins. Ah ouais? Alors, j'en ai lu des mieux. Ah ouais, bon bah. Je bossais moi, donc je pouvais pas tout faire en même temps. Donc en fait, c'est des, comme vous l'aurez compris, c'est des jeunes filles qui livrent les journaux le matin, donc c'est super tôt, des paper girls. Et en fait, elles se réunissent ensemble parce que après le Halloween, il y a souvent des ados qui viennent les chefs et les faire chier pour leur voler leurs journaux. Et du coup, elles se mettent ensemble et elles font leur tournée ensemble. Et elles se retrouvent face à un espèce de groupe bizarre qui parle pas une langue qu'elles connaissent et qui est un peu violent. Et pour les fuir, elles tombent sur une machine un peu bizarre. Et c'est là que va commencer l'histoire. Voilà. On va pas vous en dire plus. Donc moi j'ai vraiment accroché à cette histoire. Je trouvais vraiment que l'histoire était fraîche. Les quatre personnages sont vraiment, elles ont toutes des personnalités vachement marquées. Ouais, c'est un peu caricatural. C'est un peu le problème. C'est un peu caricatural, mais je trouve que ça fonctionnait bien dans l'histoire. On sent vraiment que c'est un premier où tu sens qu'il y a un univers très très vaste derrière. Il y a plein de petits indices autour d'un truc vraiment immense derrière, et on sent que chaque personnage va évoluer dans son truc pour changer. Par exemple, j'ai pas retenu les prénoms des filles, mais il y en a une. Oui, je les ai écrits, mais je sais plus à qui ça correspond. Je pensais à celle qui fume et qui est un peu. Il y en a une qui est un peu qui est un peu badass et qui. C'est Mac. Qui, ouais. Et voilà. Mackenzie. Ouais. Donc elle est un peu. Tu sens que c'est le personnage badass un peu. Elle est même un peu homophobe. Elle balance des trucs un peu. Et tu sens qu'elle va évoluer. Il y a moyen d'avoir un personnage attachant derrière tout ça. Mais moi j'ai tendance à faire confiance à Vaughan là-dessus. Ouais, c'est vrai que les quatre petites sont clichés. Bon, elles ont 12 ans. Ont 12 ans. Donc elles sont très marquées. Mais tu sens que ça va évoluer. Que. Bah, j'espère qu'on va suivre ça sur le long terme, quoi. Oui. Avoir vraiment le. Et que ça va pas être. Je sais pas sur combien de temps. En 2 semaines, ça sera pas fini l'histoire. Pour l'instant, c'est une ongoing a priori. Donc ils comptent pas s'arrêter. Tant que les ventes suivent, il y a matière. Quoi. Donc il y a un univers qui est très intéressant. Donc je vais pas vous spoiler parce que la découverte c'est bien. Mais moi, j'ai vraiment accroché à cet univers. J'ai vraiment. En plus, il y a un petit twist que j'ai pas vu venir. Je m'attendais vraiment que ça soit un truc vachement genre des extraterrestres ou un truc comme ça. Et en fait, non, ça allait pas. Et j'ai trouvé ça. Un petit spoil. Mais non, ça spoil pas. Ce n'est pas des extraterrestres. Ce n'est pas des extraterrestres. Attention. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé par rapport à ça. Bah, c'est vrai que la force du comics, c'est que effectivement, ça part d'un truc qui est très très classique. Des filles qui livrent des journaux, c'est même pas forcément passionnant. Oui. Et puis très vite, quand tu commences à lire et à voir ce qui se passe, tu réalises qu'il peut se passer n'importe quoi. Mais n'importe quoi. La page suivante, il y a un truc qui va arriver. Et Vaughan, il arrive à t'amener comme ça dans une situation. Il part d'une situation très simple. Et vers le premier tiers ou les deux tiers de la lecture, tu sais pas du tout où tu vas. Il va se passer quoi après ou qui c'est qui va arriver, comment, quand. Mais j'ai trouvé que ça, justement, c'était bien parce que, ok, on est dans les années 80, enfin fin des années 80. Du coup, vu qu'on est postérieur à cette époque, on a quand même nos repères, nous, des années 80. À un moment, on va pas très bien. Il tombe sur un objet, nous, on sait tout ce que c'est. Et elle sait pas ce que c'est. Mais même si nous, on sait ce que c'est, ça nous empêche pas d'être perdus, quoi. Oui, parce qu'il a rien à faire là. Et puis, alors après, je sais pas dans quel format vous l'avez lu. Moi, je l'ai lu en. je crois que c'était le relié VO, et à la fin de chaque comics, il y avait souvent des... Et moi, je l'ai acheté en VF. Ouais, alors, il y avait souvent 2-3 pages supplémentaires, mais complètement dans le délire. Il y en avait une où vous pouvez postuler pour faire livreuse de journaux. Ouais, il y avait pas mal de trucs autour des années 80, et il y avait un quiz, moi, qui m'a fait marrer, parce que le quiz sur le spécial années 80, et c'était des trucs, quel est votre jeu vidéo préféré de 88, Super Mario Bros 3, il y avait Altered Beast et Mega Man 2. Et bon, ça m'a fait rigoler parce que j'ai joué au 3, et voilà, et que je me suis aperçu que ça... Il n'y avait pas ça dans la... Malheureusement, il n'y avait pas ça dans la... Il joue pas mal sur cette unité de temps, là, c'était assez cool, quoi. Mais c'est ce que, comme disait Gilles tout à l'heure, il y a vraiment un revival en ce moment des années 80. Mmh. C'est curieux, ouais. Pourtant, ça a l'air complètement séparé, Stranger Things et ça, mais... Mais ça date pas, enfin même, je pense à... Il y a quelques années, Super 8 aussi, ou trucs comme oui, ça. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est pas... Et même, je trouve que ce qui est intelligent, ce qu'a fait Brian K. Vaughan, oui, K. Vaughan, parfait. K. Vaughan. Tu l'avais bien dit la première fois, ça c'est pas... que, du coup, ok, ça se passe dans les années 80, il aurait pu faire une critique de l'époque et tout, mais non, lui, ce qui. Ouais, pas du enfin, tout. Voilà, il se focalise sur son récit et. Et il n'est pas là pour nous dire les années 80 c'était bien ou c'était pas bien, quoi. Ouais, ouais, il joue même pas trop sur la nostalgie. Ouais, c'est ça, en fait, ouais, justement, oui, c'est non, ça qui est pas mal. Puis bon, mine de rien, il écrit quand même pour 4 petites de 12 ans, ça doit pas être facile, et ça passe bien, et c'est, ça va très vite en plus, il est présent. Alors, c'est encore un petit peu cliché, effectivement, mais il est présent assez vite. Ça m'a rappelé vraiment Saga dans la narration, c'est-à-dire que t'as une batterie de personnages, et très vite les situations s'enchaînent, et tu te retrouves embarqué toi-même dans un truc où tu sais pas où tu vas. Tu sais même pas comment t'es arrivé là. Voilà, bon, après, ça, c'est le petit reproche que j'y ferais, c'est que j'ai trouvé, alors encore une fois sans spoiler, ça va pas être facile, que c'est limite trop. Ça va, c'est trop what the fuck à un moment donné, à la fin du relais. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a plein de trucs. Alors, encore une fois, je pense que je vais lire la suite parce que ouais, moi aussi, la dernière page du relais, c'est la. Enfin, on dit rien, c'est le numéro 5 que vous avez lu aussi. Je crois que j'ai lu le 6, moi. Ah, moi je suis arrêté au 5. Je sais plus. Où il rencontre quelqu'un qui sort d'une voiture. Oui, bah voilà, c'est ça. C'est ça, là, voilà. Bon, mais voilà, bon, là tu vois ça, bon, t'es un peu forcément sur le cul, même si tu peut-être aurais pu le voir venir. Du coup, j'ai l'impression, c'est vraiment. Ouais, t'aurais pu le voir venir, mais tu te dis pas, il va arriver ça parce que c'est complètement. Enfin, tu t'attends pas. Je crois que ça me dit rien du tout ce que vous dites. Bon, on parlera off. On en parlera après. Ouais. On le redira. Quelqu'un l'a lu d'ailleurs, Ascon. On vous conseille. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur du moment. C'est vraiment un titre que je conseillerais. Et en plus, ce qui est cool, c'est que c'est une super porte d'entrée pour les gens qui voudraient se mettre au comics. Tu sais pas par où commencer. Et même si t'aimes pas les super-héros, ouais, ouais, il y en a pas. C'est pas du tout du super-héros. Je suis sûr que tu le filerais à ta meuf, Ophélie. On lui fait un coucou. Je suis sûr que tu lui filerais. Ouais. Elle aimerait, je pense. Ouais, ouais, c'est parce que faux, c'est. Ouais. Je sais que je l'ai passé à Faye pour qu'elle m'en fasse un petit retour. Et elle a bien aimé, alors qu'elle est pas trop super-héros. Et franchement. Franchement, c'est un super comics, bonne porte d'entrée. Oui, parce qu'en plus, tu découvres Brian K. Vaughan, et derrière, si ça te plaît, il y a beaucoup. Ouais, il y a Saga. Sans être une porte d'entrée, t'as pas envie de lire des comics, mais tu veux lire une bonne histoire, tu lis ça. Oui, ouais, voilà. C'est pas obligé de lire. Ouais, c'est quand même très peu comics, ça tape un peu dans la narration. Oui, voilà, du coup, sans être une porte d'entrée. Est-ce que vous avez une petite conclusion avant qu'on passe au deuxième morceau? Je t'en prie. Moi, conclusion, non, mais effectivement, c'était assez surprenant. Alors, j'y suis allé reculant, sincèrement, parce que je suis pas trop fan quand les gens reçoivent des prix comme ça. Ça fait un petit peu. Ouais, mais c'est pas. Ah, voilà. Oui. Et puis, le pitch m'a pas vraiment emballé. Ouais, c'est vrai que le pitch donne pas. Enfin, le problème, c'est un peu comme. Comment il s'appelait ce film, la dernière maison au fond des bois, où tu la peux absolument. La dernière maison sur la gauche ou... Non, la cabane dans les bois. La cabane dans les bois, oui. Voilà. Qui était, oui, c'est vrai qu'il y a un de Josh Whedon. Ouais. Enfin, je dis ça dans le sens où c'est un film génial, mais tu peux pas en parler parce que si t'en parles, tu vas tout raconter. Faut même pas lire la synopsis. Il est difficile à vendre, mais voilà, si vous voulez vous embarquer dans une aventure extraordinaire, effectivement, il y a cette ambiance un petit peu Goonies, un petit peu Amblin, enfin 80, et après vous laissez porter par un récit, vous cherchez pas à comprendre, c'est vraiment bien écrit. Ouais, allez-y, ouais, c'est vraiment, effectivement, ouais, c'est surprenant. Moi, c'est comme Mathieu, j'y suis allé en reculant parce que la dernière fois que j'ai lu un livre qui a été encensé par les critiques, c'était Lady Killers, et j'avais pas du tout aimé. Oui, tu en as parlé en vidéo d'ailleurs. Ouais. Du coup, je me suis dit, ouais, et franchement, j'ai tout de suite été pris par le récit, et c'était bien cool. Ouais. Et j'attends avec impatience la suite. Puis encore une fois, ça se lit facilement. Ouais, voilà, c'est vraiment. Même si vous n'êtes pas habitué à la BD. La question qui tue, Gilles, est-ce que tu vas l'acheter? Inch'Allah, je sais pas. On verra bien. Bon, on va passer au deuxième morceau. Donc c'est Casey and the Sunshine Band. Mais j'arrive pas à lire en jour aujourd'hui. Donc Casey and the Sunshine Band, I'm Your Bogeyman. Et on vous laisse encore une fois le temps du morceau pour deviner dans quel film il était. Musique. Et c'était Kissy and the Sunshine Band de Amir Bogeyman. Et vas-y Gilles, de quel film c'était ? Suicide Squad ? Non, c'était Watchmen. Ah non, c'était la, c'est la prochaine, pardon. Ah, tu viens de spoiler. Donc vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier, sur le 102.2 FM. Et c'est Comics Discovery. Et on va finir avec la dernière partie, puisqu'il ne nous reste plus que 10 minutes. Et on va faire nos attentes et nos coups de cœur du mois ou de la semaine. Du moment. Et on va commencer. On a pris un truc hors comics et un truc comics. Et on va finir par le comics. Donc j'ai un truc en commun avec Gilles. On va commencer par ça. Et c'est la série Westworld de Jonathan Nolan et de J.J. Abrams, qui est vraiment vraiment vraiment génial. Vas-y, tu peux nous pitcher vite fait de quoi ça parle. Donc l'histoire, on sait pas trop quand on est, mais c'est supposé dans, qu'on le, est futur, dans le futur. Dans le futur. On sait pas trop à quelle époque. Et un parc d'attractions est créé pour recréer le Far West. Ouais. Et vraiment, enfin, c'est, t'as l'impression d'être dans la vraie vie, quoi. Voilà. Et du coup, c'est les riches, quand ils veulent un moment d'évasion, ils viennent dans ce parc d'attraction pour revivre la conquête de l'Ouest. Et ce que tu n'as pas dit, c'est que en fait, c'est que peuplé de robots. Ouais, donc vous pouvez tirer sur des. Mmh. Tu peux y aller et faire le connard et tirer sur tout le monde. C'est des robots, mais vraiment humains. Enfin, oui, ils sont vraiment des humanoïdes. Ils ont du sang, ils ont tout ce qu'il faut. Et c'est un remake d'un film, ouais. D'un film avec Yul Brynner. Nord-Ouest. Nord-Ouest, ouais, c'est exactement. C'est pas un bouquin de Crichton, non ? Si, c'est un bouquin de Crichton, le mec qui a fait Jurassic Park. Ouais. Et donc Jonathan Nolan, si vous ne savez pas qui c'est, vous devez sûrement savoir qui est Christopher Nolan. Et en fait, c'est le petit frère ou le grand frère, je ne sais pas. Le petit, oui. De Chris. Et moi, j'ai vraiment été hypé par cette série. C'est la nouvelle série d'HBO. Et je pense que c'est mon coup de cœur de l'année. Enfin, j'ai vu qu'un épisode pour l'instant. Et je suis complètement hypé. Premiers pour l'instant. T'as vu les deux premiers, ouais, puisqu'ils ont sorti le deuxième. Ouais, justement, le deuxième, il y a encore plus, en fait, il y a plus d'explications et tant que tu rentres encore plus. Mais en fait, le truc qui est vraiment cool, c'est qu'au fur et à mesure, les robots ont l'air de s'éveiller au monde. C'est ça, en fait, le speech, c'est qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui se passerait si les robots avaient conscience et se rebellaient, parce que voilà. Je l'ai pas vu le film, tu as vu le film ? J'ai oublié, c'est séance de rattrapage, il passe sur TMC cette semaine par exemple. Ah ouais, ouais. C'est et en plus, il y avait un épisode des Simpsons dans le même délire, je crois. Oui, oui, c'était le parc Itchy Scratchy Land. Ouais. Et en fait, c'est les robots qui pètent un plomb et qui commencent à buter tout le monde. Et, et du coup, bah, on sait, pour l'instant, il n'y a personne, il n'y a pas de robots qui tuent les gens. Mais justement, le premier épisode pose le contexte, nous présente tout le monde, et le deuxième, on rentre vraiment dans l'histoire. On suit j'ai envie de voir le deuxième maintenant. T'as vraiment les personnages principaux qui arrivent et tout, parce qu'il y a quand même un beau casting. Il y a un casting de fou. Il y a Ed Harris, Anthony Hopkins. Il y a le mec qui était dans Lost. C'est celui qui fait le mec en noir là, qui jouait Paolo dans Lost et qui jouait dans 300, qui faisait le. Putain, merde. Le mec en noir ? Quel mec en noir ? Le mec qui habite tout en noir ? Bah, c'est Ed Harris. Non, un autre qui arrive à mon. Qui a un fusil dans le dos. Qui arrive à la fin du premier. Ah qui oui, tout oui, le d'accord, monde. Ouais, je sais plus. Ouais, bon, bah, il y a lui. Ouais. Il y a le mec qui joue Cyclope dans les X-Men. James Marsden. Ouais. Le mec de Hunger Games. Ouais, le. Qui est un des seconds couteaux de Hunger Games. Enfin, voilà, il y a un beau casting, quoi. Il y a vraiment des acteurs géniaux, ouais. Mais moi, j'ai peur que ça fasse. Bon, j'adore Game of Thrones, mais que ça va vraiment être long, très long, et beaucoup de personnages, et j'ai peur. Ah, on me le dit, c'est Rodrigo Santoro. Merci, Faye. À tes souhaits. Il y a quelqu'un qui nous écoute, c'est ça que j'entends oui, bien. Oui, c'est bien, oui. moi, je vous conseille vraiment de regarder cette série, c'est vraiment génial, ouais. Est-ce que t'avais un petit... c'était un coup de cœur. Est-ce que ouais, tu as coup de cœur série télé aussi, rien à voir, c'est la reprise de la saison 2 de Ash vs Evil Dead. Ah oui. Qui est un cadeau pour les yeux. Ah, j'adore. Evil Dead, c'est une trilogie de vieux films d'horreur. Je compte pas le remake de Sam Raimi. Le remake était il y a plein de gens qui l'aiment bien, le mais remake. Est-ce que c'est la suite du 3, le remake ? Parce qu'on voit quand même Ash dans le... Ouais, on voit à la fin. Enfin, il y a dans une scène post-générique, on voit Ash. Ah, j'ai même pas vu ça. Moi, j'ai été resté à ce qu'ils voulaient faire un projet mixte. D'ailleurs, le réal du remake, il sort un film en ce moment qui s'appelle Don't Brief. Ouais. Et ce qui paraît, il est vachement bien. Fede Alvarez, ouais. Moi, le remake m'a assez hypé. Enfin, bref, Ash, ouais. Ash vs Evil Dead, ouais. Donc, c'est la suite de Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres, qui était sortie il y a des années. C'est un gros loser, crétin, idiot, alcoolique. Qui manque une main. Qui manque une main, qui a une tronçonneuse à la place. Qui se bat contre les forces du mal, mais c'est un branque fini. Il est vraiment nul et il galère et c'est très drôle, c'est très trash, c'est très sanglant. Petits épisodes de 20 minutes, c'est ça, c'est rapide. Franchement, je vous conseille la saison 1 qui est déjà entière. Et... Oui, ouais, c'est produit par Sam Raimi, donc réalisateur de qui a réalisé le premier et le deuxième aussi, non il a fait les trois, non il a fait les trois. Ouais. Il a pas fait le dernier, oui, on l'a dit. Ouais, Alejandro, quelque chose qui s'appelle. Alvarez, il l'a fait. Alvarez, petit espagnol qui va bien au Mexique. Mmh. Ouais. Et donc voilà, reprise de cette petite série. Alors il y a des comics H, mais c'est pas terrible. Donc concentrez-vous plutôt sur la série. Okay. Et ben, on regardera ça. Ça a l'air cool. Moi, je vais parler d'un comics qui va ressortir et dont on avait déjà parlé dans un vieux, dans un podcast. Je sais plus lequel. C'est Mathieu qui nous en avait parlé de 100 Bullets de Brian Azzarello. Je sais plus qui c'est qui dessine. Tu vas m'avoir. En tout cas, c'est réédité chez Urban et ça ressort. Le premier tome sort le 28 octobre et moi ça me hype beaucoup parce que dans l'émission tu me l'avais vraiment hypé. Enfin, j'en avais lu 2-3 et là j'ai vraiment envie de me les racheter pour les avoir. Faut réécouter le podcast. Ouais, réécouter. Pour les gens qui ne sauraient pas, 100 Bullets, c'est donc il y a un monsieur qui arrive avec un gun et qui va voir des gens. Complètement. Enfin, t'as l'impression que c'est random et qu'il leur dit voilà un flingue et dans ce flingue il y a 100 balles et tu pourras tuer n'importe qui. Le flingue n'est pas tracé. Et après ça part dans un thriller et tout. C'est vachement cool. Et ça me hype. Ouais, moi aussi ça me hype. Ça a l'air. C'est fleuve. Hein. Il y a une centaine de numéros US aux affaires 10-12. Il faut arriver à suivre. C'est pas évident. Il y a un gros fil rouge. Mais si jamais vous êtes hypé d'entrée de jeu, ça s'arrête jamais. C'est un truc de ouf. Eduardo Risso. Non. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. L'honneur est sauf. Ok. Vas-y, t'avais un petit truc. C'est série télé, mais comics en même temps. Série comme H, hein, c'est la reprise. Bah, je pense que on est beaucoup à attendre la reprise de Walking Dead dans une semaine. Ouais, moi j'attends pas. Qui est mort. Qui est mort. En plus, les 3 premières minutes de l'épisode 1 sont sorties et ça hype encore plus. Donc moi, j'attends ça avec une grande impatience. Ok. Et t'avais pas de coup. Le coup de cœur était avec moi. Et toi, t'avais un autre truc. Une petite attente sur le crossover X-Men qui sort ce mois-ci en VF Apocalypse War, parce que c'est toujours sympa d'avoir un crossover entre les équipes X. Je sais pas du tout de quoi ça parle, okay. Autour de Genesis. Et on en parlera pas du trailer de Legend of. Ouais, Legend of Tomorrow, qui a l'air assez. Ouais, Legend of Tomorrow, le pilote m'a suffi. Je pourrais pas regarder. Ouais, cette mais série. Regarde. Tu as jugé une série sur un épisode. Oui, mais tu peux te dire en un épisode, ouais, c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Ce que dit souvent Max, et là, non, c'est pas pour moi, c'est trop kitsch et c'est trop mauvais pour. Ouais, mais la saison 2, elle a l'air aussi un peu complètement barrée. D'ailleurs, en parlant de Max, le trailer de Power Rangers est sorti et ça a quand même pas l'air terrible. Putain, on en profite, on va pas qu'il soit pas là. Ce débat. Non, moi ça me hype aussi. On dirait du Michael Bay, bon, c'est pas grave. Non, moi j'ai aussi une autre attente hors comics, c'est un livre. Ah oui, c'est vrai. Dans 2 jours, le tome 8 de Harry Potter, enfin le tome 8. Oui, c'est ça, c'est le tome 8. Et L'Enfant Maudit qui sort en français. Et moi, Harry Potter, ça a bercé toute mon enfance au niveau des livres et des films. Du coup, je l'attends beaucoup, celui-là. Bon, ben, on va conclure. Je sais pas si vous attendez ça spécialement. Non, moi, je savais pas qui sortait. J'ai été resté aux Animaux Extraordinaires. Bah, ouais. Le film est un peu bien, par contre. J'ai envie de voir. Ah ouais, bon, ça aucun rapport. Là, c'est une pièce de théâtre. Ils adaptent la pièce de théâtre en film. C'est les enfants de. En livre. En livre, pardon. C'est un livre, mais sous forme de pièce de théâtre. On va conclure. On va y aller parce qu'on a l'air occupé. On va conclure avec une dernière chanson, une dernière pause musicale. Et on va lancer l'intro pendant qu'on va conclure. Donc, je tenais à remercier encore une fois Radio Campus Montpellier de nous accueillir pour cette émission. C'est vraiment cool. Et merci à Arnaud qui fait la technique, qui fait un boulot de folie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission en replay sur PodCloud ou sur iTunes. N'hésitez pas à venir nous mettre 5 étoiles ou à nous mettre un commentaire sur iTunes. Plus on aura d'avis sur iTunes, lui on sera référencé. Et à la semaine prochaine, enfin moi je ne serai pas à la semaine prochaine. Ouais, mais... et je sais pas de quoi on va parler la semaine prochaine. Bah on verra la veille. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, donc @comicsdiscovery, et notamment sur la page Facebook. Et petite annonce pour finir l'émission, sachez que suivez la page Facebook car nous on va vous faire offrir des places pour l'avant-première de Doctor Strange. Donc on va mettre une image. Allez sur la page Facebook et vous verrez. Likez la page Facebook, on va mettre une image et une image à partager, la page à liker et vous gagnerez votre place pour aller voir Doctor Strange. Et voilà, on finit sur ça. Merci, au revoir. Au revoir. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think that I get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, taking slow. For them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We don't deal without.